Je suis tan enamouré de ma mandingue dorée. Quand elle s'en va de la casa, j'ai le cœur abîmé. Enamouré, je suis de ma mandingue jolie. Quand elle s'en va de la casa, je languis dans mon lit. Aïe, aïe, aïe. Belle créature, mon ami m'a rendu loco. Belle créature en sorcellerie m'a fait bilongo. Le masque, elle est gris-gris qu'elle se met. Aïe, pour me faire la cour. Les poudres qu'elle brûle sous mon nez. Aïe, pour me faire l'amour. Aïe, le masque, elle est gris-gris qu'elle se met. Pour me faire la cour. Et comme j'écoute ses bracelets quand elle me fait l'amour. Aïe, aïe, aïe. Belle créature, mon ami m'a rendu loco. Belle créature en sorcellerie m'a fait bilongo. Comme Kikiribou, que ma mandingue en sorcellerie, qu'elle m'a papi, j'en suis dingue. Le masque, elle est gris gris qu'elle se met. Aïe, pour me faire la cour, Lola, tu le sais. La braise me dit ma complice, ce qu'elle veut papa, c'est du feu d'artifice. Hop! Kikiribu, kikiribu, mandinga nada más.